Bonjour à tous et bienvenue dans Exquise Esquisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une danseuse et chorégraphe dont la compagnie TEN, sa compagnie, est basée à Amboise. Et cette artiste a un parcours impressionnant que vous allez découvrir, bien sûr. J'ai donc le plaisir de recevoir Johanna Lévy. Bonjour Johanna. Bonjour. Johanna, vous vous êtes d'abord formée au Conservatoire National Supérieur de Lyon, puis à l'école de Maurice Béjart en Suisse, et vous avez passé une maîtrise en art du spectacle à Paris 8. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces formations ? Je dirais la manière dont on se construit, parce qu'on rentre très jeune dans ces parcours-là de conservatoire. Moi, j'ai suivi vraiment le cursus classique des conservatoires de ville, au conservatoire régional, au conservatoire supérieur, et ainsi de suite. Et je pense que c'est une manière de... Quand les gens autour de nous, les formateurs et ceux qui nous encadrent, sont à l'écoute de nos désirs, je dirais que c'est la meilleure manière pour nous de comprendre ce qu'on recherche et comprendre où on va. Je dirais que c'est ça qui m'a le plus marqué, oui. D'accord. Et alors, bien sûr, j'imagine que vous avez commencé la danse très jeune. Oui. Et vous avez commencé par quelle danse ? Alors souvent quand on est si petit, parce que moi j'avais à peine 3 ans je crois. Ah oui. Ouais. J'ai demandé à mes parents, ou je sais pas, ou c'est eux qui m'ont proposé de faire partie d'une école de danse qui était à côté de leur lieu de travail. Et à ce moment-là, c'est ni du classique, ni du contemporain, c'est vraiment une expression corporelle. Oui, c'est de l'éveil. C'est de l'éveil, voilà, exactement. C'est vraiment le mot, c'est de l'éveil. Et donc, c'est très ludique et en même temps, moi, j'ai compris très vite que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. D'accord. Et donc vous avez ensuite suivi des vrais cours de danse. Mais alors, vous avez commencé par la danse classique, la danse contemporaine. Qu'est-ce que vous avez fait comme style de danse ? Après l'éveil, j'ai fait de la danse classique, vraiment. Pendant longtemps, d'ailleurs, avant de comprendre que j'allais bifurquer. Et ça, c'était des concours, un concours de circonstances qui a fait que j'ai une révélation et qui m'a fait bifurquer vers la danse contemporaine. Et la révélation, ça a été quoi ? Alors, j'étais au conservatoire supérieur et donc il y a deux cursus au conservatoire, le classique et le contemporain. Et donc moi, je faisais partie des élèves qui étudiaient la danse classique. La troisième année, il y a une sorte de jeune ballet qu'on appelle un jeune ballet. Donc, on devient un peu des danseurs... comme on le sera dans la vie active, dans la vie professionnelle. Donc, on travaille avec différents chorégraphes. Et donc, il y a les chorégraphes qui viennent pour travailler avec les danseurs et danseuses classiques, et il y a ceux qui viennent travailler avec les contemporains. Et donc, il manquait un danseur, une danseuse pour un des spectacles. Et c'était un grand spectacle qui a marqué l'histoire de la danse, qui est un spectacle de Odile Duboc, qui est sa version des boléros de Ravel. Donc, il y en a 3. Et dans l'un d'eux, il manquait une danseuse parce qu'il y a beaucoup de monde au plateau, sur scène. Et voilà, et donc le boléro de Ravel, c'est vraiment de la danse contemporaine. Les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux, sont très différents dans le sens où on n'est plus vers le haut, comme une danseuse classique, mais tout à coup, on descend le poids du corps, on va vers le sol. La marche, tout simplement la marche, en tout cas chez Odile Duboc, elle était, pour cette pièce-là, elle était très importante. Donc du coup, je passais des pointes à une marche. Ah oui. Les costumes changent, le rapport au corps change, le rapport à l'autre, puisqu'on n'est plus dans un... Enfin, il y a une sorte d'égalité aussi entre l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette histoire de portée qui existe beaucoup dans la danse classique. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à ma place. Et ça a un peu bouleversé ma vie, puisque pendant toutes ces années, j'étais partie pour être danseuse classique. Oui. Et donc là, il a fallu un peu re-réfléchir à ce que j'allais faire après. Et vous avez décidé de faire de la danse contemporaine. Oui, mais j'ai décidé, mais ça a pris du temps quand même, parce qu'entre-temps, j'avais été reçue à l'école de Maurice Béjart. Et chez Maurice Béjart, c'est du néoclassique, donc c'est encore, c'est encore à mi-chemin entre peut-être la danse classique et la danse contemporaine. C'était pas exactement là où je voulais être, mais en même temps, on me disait que je pouvais pas refuser ce qu'on me proposait, c'est-à-dire qu'on était 10, je crois, à être reçus. Ah oui. Et le prestige du nom faisait que je pouvais pas ne pas y aller. Mais au fond de moi, dans mes tripes, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Mais j'y étais. Donc ça, c'est encore une année, ça devait durer 2 ans, mais je suis partie au bout d'un an. Ah oui. Parce que vraiment, j'avais toujours l'empreinte d'Odile Duboc, de mon expérience là, de la danse contemporaine, et il fallait que je retrouve ces sensations-là que je ne retrouvais pas. D'accord. Alors donc, vous êtes donc formée à la danse contemporaine, donc ensuite, et puis vous avez commencé votre vie professionnelle de danseuse, et pour ça, eh bien, vous êtes allée à Londres. Hein, plusieurs années à Londres où vous avez dansé dans différentes compagnies. Alors, comment ça s'est passé? En fait, vous avez vu un jour une annonce, une audition pour Londres, ou c'était un de vos rêves? Comment? Alors, j'avais ce rêve depuis longtemps d'aller danser à New York. J'avais déjà été danser à New York parce que j'avais obtenu une bourse pour étudier à la American Ballet School. Et donc, j'avais mis déjà un pied. On était quand même resté un mois là-bas. Enfin, j'étais restée un mois là-bas. C'était très intense. Puis après, j'étais rentrée et je savais qu'il fallait que j'aille, que je m'oriente vers ces pays anglo-saxons. Les États-Unis, c'était un peu loin, je sais pas. Et puis, il y a eu, je sais pas, cette envie, je sais pas comment ça m'est venu de partir à Londres. Parce que je trouvais que c'était une ville qui ressemblait un peu à Paris, puisque très cosmopolite, très forte, très riche en culture, très... voilà, et puis tout à coup, je pouvais parler anglais et je pouvais rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais à l'arrivée, non, j'avais rien. À l'arrivée, je savais pas ce qu'il y avait. Ah oui, vous êtes partie à Londres et vous vous êtes dit, ben, je vais passer des auditions, voilà. Je vais voir. D'accord. Exactement. Ouais, ouais. Et alors? Bah, alors, j'ai passé des auditions. Et alors, je me rappellerai toujours de ma première audition, en tout cas de la première audition que j'ai réussie. Je sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Cette réussite-là a effacé toutes les autres. Mais je me rappelle où j'ai signé mon premier contrat. Et c'était bouleversant pour moi parce que ça y est, c'était ma carrière qui commençait. Et oui. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a eu ce premier contrat. Et puis, de fil en aiguille, je passe d'autres auditions. Et je m'installe vraiment à Londres comme danseuse française, comme on est beaucoup. Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Il y a tellement de gens qui viennent de partout qu'à Londres, c'est OK. Je pense que, d'ailleurs, ils s'enrichissent de ça, de toutes ces arrivées. De toutes les cultures, ouais. Du mélange des cultures. Ouais. Et c'est assez beau, cette ville. Elle est très forte, elle est très dense, parce qu'il y a beaucoup de musées, parce qu'il y a beaucoup de cultures, parce que... Et voilà, au début, c'était pas évident, parce que moi, j'avais rencontré quand même la langue vraiment américaine, puisque même chez Béjart, on avait des cours en anglais, mais avec une professeure américaine, donc il y a vraiment un accent. Quand j'étais allée à New York aussi, et là, tout à coup, je me confrontais à l'anglais anglais. Voilà, l'accent anglais. L'accent anglais. Et je peux vous dire que pour ouvrir des factures de téléphone, pour, je sais pas, pour ouvrir un compteur de gaz, mais c'était incroyable. Je comprenais rien. Je comprenais rien, ouais. Au téléphone. Enfin bon, c'était... Ouais, c'est tout un apprentissage. Et donc, ensuite, donc 8 ans à Londres, c'est ça? Vous avez passé 8 ans, oui, à Londres. Et ensuite, vous avez tourné à l'international, mm, avec une compagnie donc américaine. Mm. Alors, la Troy 40, ouais, c'est ça, mm, qui est basée à New York, mais également à Londres et à Berlin. Et oui, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Ça a été peut-être un des plus beaux moments de ma vie, puisque... Ouais. Depuis des années et des années, je rêvais de travailler à New York, donc... Okay. Et je fais cette audition, et je m'en rappellerai toujours, cette audition, elle était très très éloignée par rapport à là où j'habitais, donc c'était à Londres, mais il faut savoir que Londres et sa banlieue, c'est très étendu. Donc j'ai eu un peu la flemme, quand même, d'aller à cette audition. Je me suis dit, encore une audition, faut savoir que même si j'en réussissais quelques-unes, j'en ratais plusieurs aussi. Et donc je me suis dit, bon, encore une, voilà. Et je sais pas pourquoi, je me suis levée ce matin, là, et j'y suis allée. Et heureusement, puisque ça a quand même changé aussi le cours de ma vie, puisque je me retrouve face à cette compagnie, donc qui cherchait des danseurs basés à Londres, mais pour travailler aux États-Unis. Non, ça, je ne savais pas encore qu'on allait travailler aux États-Unis, mais en tout cas, eux étaient américains et ils voulaient des danseurs anglais parce qu'ils touchaient des subventions de ce qu'on appelle l'Art Council, c'est vraiment les subventions de l'État en Angleterre. Et donc voilà, et donc cette audition se passe, et à la fin, ils s'entretiennent avec quelques-unes d'entre nous. Et puis je me rappelle être dans cette salle, seule avec eux, ils étaient deux chorégraphes. Et là, ils me disent, est-ce que ça te dérangerait de partir quelques mois travailler à New York? J'ai dit, je crois que vous avez trouvé la meilleure personne ici. Et voilà, et c'était parti pour des années, comme vous l'avez dit, pendant 8 ans, mais même plus, en fait, 10 ans, j'ai dû travailler avec eux. Donc, c'était ponctué par des temps de travail assez courts d'un mois ou 2 mois. À New York, donc. À New York, au Nebraska, à Berlin aussi, en Californie, on a été un peu partout. Et c'était vraiment des périodes assez longues. Mais je rentrais toujours à Londres. Ah, d'accord. Je travaillais toujours à Londres et j'habitais toujours à Londres. Donc, New York est arrivé comme ça, comme un... Je ne sais pas, je le vois encore comme des voyages. C'est-à-dire, j'y allais, je travaillais et je revenais. D'accord. Et... Mais alors, vous travailliez, vous prépariez une chorégraphie, quoi, un spectacle. Oui, ouais. Et après, vous tourniez dans le monde entier, c'est ça? Le monde entier, peut-être pas. Mais en tout cas, beaucoup d'endroits aux États-Unis, ça, c'est sûr. On a joué beaucoup en Angleterre et beaucoup à Berlin aussi. Et oui, on préparait ces spectacles donc un peu à Londres parce qu'ils avaient des subventions. Beaucoup aux États-Unis. On a passé 2 mois, je crois, je ne sais plus exactement, 2 mois d'affilée au Nebraska. Donc vraiment, vous voyez les États-Unis, c'est au centre, c'est en plein D'accord. milieu. Et voilà, et c'est un monde qu'on n'imagine pas quand on n'y a jamais été. Et nous, on était là-bas et on travaillait dans des énormes théâtres, parce qu'il faut savoir qu'il y a des énormes institutions là-bas. Et puis il y a des têtes d'affiches qui passent dans ces théâtres. Enfin, c'est vraiment une autre approche de l'art, parce qu'il y a beaucoup de mécénat aussi, donc il y a beaucoup d'argent qui est mis à la culture d'une manière totalement différente qu'en France. Mais voilà, tout à coup, c'est une approche, c'est une manière de travailler qui est vraiment très particulière par rapport à ce que oui. je connais maintenant, à ce que je fais maintenant. Mais ouais, c'était magique, c'était vraiment magique. Et alors, donc, après, vous revenez en France, mais avant de parler de votre retour en France, moi, je voudrais que vous nous racontiez une audition. Comment ça se passe, une audition? Donc, vous voyez une annonce, j'imagine, vous vous inscrivez, oui. Et puis, le jour J, vous y allez. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut savoir, avant d'y aller, on doit être invité. Donc, c'est-à-dire qu'on voit l'annonce, effectivement. Alors, je peux vous parler de cette audition-là, mais j'en ai fait d'autres, mais en tout cas... celle-là, voilà. On envoie notre CV. Oui. Et donc, il faut savoir qu'au début, moi, je commençais ma carrière. Sur mon CV, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire oui, que... comme tout le monde. Hein, voilà. J'avais pas d'expérience particulière. Mais j'avais quand même ces écoles-là qui sont assez notables, en tout cas dans le monde de la danse, quoi. Et ça me donnait une sorte de passeport, une sorte de porte d'entrée, quoi. Et voilà, donc on envoie notre CV. Et à l'époque, il n'y avait pas encore ces histoires de vidéos. Aujourd'hui, on demande d'envoyer des vidéos. Oui. Bon, à l'époque, on n'y était pas encore. On n'était plus sur la photo portrait. Et puis, c'est tout. Et puis, on attend une réponse. Et puis là, on reçoit un mail pour nous dire « Ok, vous êtes invité à telle heure, à tel endroit. » Donc, on y va. Et là, comment ça se passe? Souvent, vous êtes noyé dans la masse quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et il va falloir trouver un moyen pour se faire remarquer, puisque tout le monde a la même volonté de trouver du travail. Oui. Voilà. Donc c'est effrayant. C'est effrayant parce que souvent il y a un poste ou deux. Ils cherchent une danseuse, un danseur. Voilà. Les places sont chères. Les places sont chères. Et quand on a, y a cette audition a été sur 2 jours, 2 ou 3 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on allait revenir tous les jours, il me semble. Je me rappelle plus trop, mais il y a des auditions comme ça qui sont sur 1 ou 2 jours ou 3 jours. Et donc, pendant toute la journée, on répond à des consignes. Donc, soit c'est des improvisations, soit c'est des compositions où on apprend ce qu'on appelle des phrases chorégraphiques. Donc, on va apprendre des mouvements qui font partie du répertoire de la compagnie. Et voilà, et on passe les uns après les autres. Ah oui, pas ensemble. Souvent par groupe de petits groupes. D'accord. Par petits groupes. Alors, là, je vous parle d'une audition sympa, hein, parce qu'il y en a qui sont moins sympas. Où en fait, on a des dossards, on a des numéros. Oui. Et puis, celles qui sont encore moins sympas, c'est quand on est éliminé au fur et à mesure des jours qui passent, enfin des heures qui passent même. D'accord. Même des demi-heures qui passent, je sais pas. Mais... bon, celle où j'ai été prise pour New York, c'était sympa parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, même si on voulait tous la même chose. il y a quand même une compétition qui est indéniable. On peut pas faire, on peut pas, je peux pas vous mentir. Personne peut mentir à ça. C'est-à-dire que, oui, à la fin de l'audition, on va nous dire, souvent il y avait ces phrases qui revenaient, je me rappelle, qui étaient, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste un profil qu'on recherche auquel vous ne correspondez pas. Mais nous, on se dit, non, mais moi, je suis versatile, je peux faire ce que vous voulez. Voilà, on a toujours cette idée qu'on peut se transformer, qu'on peut être la personne dont il rêve. Et en fait, non. Parfois, un chorégraphe, il va avoir envie d'une danseuse qui est grande, plutôt éthérée, plutôt, voilà. Et puis, d'autres chorégraphes qui vont vouloir du muscle. Enfin, je sais pas, ça dépend vraiment. Donc, oui. On peut pas satisfaire tout le monde. C'est évident. Et alors, au début, vous avez dit comment je fais pour me faire remarquer. Alors, comment vous faites pour vous faire remarquer ? Eh ben, on fait de notre mieux. Déjà, on essaye vraiment de comprendre la consigne qui nous est demandée. Et je dirais d'être le plus honnête possible, le plus honnête et le plus perméable aussi. C'est-à-dire que il y a une manière de s'adapter, il y a une manière quand on a travaillé l'audition, c'est-à-dire qu'on a été voir ce que fait la compagnie, ce que fait le chorégraphe. Donc on va essayer de répondre à cette demande finalement parce qu'on a été formé pour ça, parce qu'on a plusieurs manières de danser, qu'on a plusieurs techniques, en tout cas au début, quand on est jeune. Après ça se réduit, il y a une sorte d'entonnoir qui fait qu'à la fin, bon bah il reste ce qu'on est vraiment, enfin la danse qui nous appartient vraiment. Oui c'est ça, vous trouvez votre style. Oui je pense, mais au début on est très malléable en fait. Et voilà, je pense qu'il faut se mettre, il faut se faire une place parmi tout le monde et surtout ne pas, rester le plus honnête. Ouais. Possible. Le plus authentique. Le plus authentique, exactement. Tout en respectant quand même le style du chorégraphe, c'est ça ? Après, il y a des styles... Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a des styles qui sont... en général, si on a été invité à l'audition, c'est que quand même on correspond à un certain type de profil. Mais oui, il faut trouver une manière d'habiter le mouvement qui est demandé. Tout en amenant, en tout cas dans la danse contemporaine, tout en amenant une personnalité qui va intéresser le chorégraphe et avec qui il va pouvoir se projeter dans le futur. Il y a aussi ça, c'est faire rêver le chorégraphe qu'il y a en face de nous. D'accord. Pour qu'il puisse imaginer des choses, pour qu'il puisse inventer. Et fabriquer des peut-être avec cette personne. Moi, je sais que... Peut-être on en parlera plus tard, mais il y a des danseurs et des danseuses qui me donnent envie de faire des choses. Oui, et donc qui m'incitent à avoir une vision et à imaginer ce que je vais pouvoir créer avec eux. Il y a une forme d'inspiration. Bon voilà, en fait, oui. Le danseur devient l'inspiration du chorégraphe. Ouais. D'accord. Danseur et danseuse. Ben, merci pour toutes ces informations là sur l'audition. Donc après votre expérience avec la compagnie américaine, vous revenez en France. Et là, quel était votre projet en fait quand vous êtes revenu en France ? Est-ce que vous aviez une idée ? Est-ce que mon projet c'était de me rapprocher des gens que j'aime, de ma famille qui m'avait vraiment énormément manqué pendant toutes ces années. J'ai un souvenir de ces années. Avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui se tissent, qui se créent. Mais il y a aussi une grande solitude dans tout ça. Et spécialement à New York, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à un moment, j'ai décidé d'y habiter. Donc de plus revenir à Londres, de plus revenir à Paris, de plus revenir à Londres, mais d'y habiter, même si j'avais pas de travail. Enfin, c'est-à-dire que mon contrat était fini avec la compagnie. Je dis, bah, moi, je vais habiter à New York. Donc, New York, c'est quand on y est sans être entouré par une compagnie. Finalement, c'est une lutte. Hein. C'est pas facile. C'est des expériences incroyables et inoubliables. Mais voilà, il faut beaucoup de force quand même. Donc, à un moment, je sais pas, j'en ai eu assez. Voilà. Et puis. Donc je me rapproche de ma famille à Paris, je retrouve mes amis, je retrouve les gens avec qui j'ai étudié aussi, je me suis formée. C'est quand même je sens que c'est un nouveau virage pour moi. Et puis là, le seul projet que j'avais, c'était de continuer à travailler. Donc je continue mes auditions. D'accord. Ouais. Je continue à faire tout ça Et en même temps, j'avais commencé à New York, un truc exceptionnel, c'est que j'avais eu le désir de faire de la danse aérienne, la danse dans les airs. Et donc, quand même, j'arrive à Paris avec cette idée de continuer cette formation. Donc, je mettais quelque chose quand même de nouveau dans mon CV. Oui. Et je cherche à rencontrer des compagnies qui peuvent travailler avec une danseuse aussi au sol et pourquoi pas dans les airs. Enfin, je cherche un peu comme ça à me... Alors, attendez, pour préciser pour nos auditeurs, la danse aérienne, c'est quoi exactement? Alors, la danse aérienne qui serait la plus connue, c'est au cirque, par exemple, avec les cordes lisses ou les tissus. Il y a oui. deux formes. Il y a les trapèzes aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le cerceau. Et voilà, moi, je faisais de la corde lisse. C'était ça qui me plaisait. Et je voulais pas du tout faire du cirque. Je voulais trouver une manière, comme par certaines personnes que j'ai rencontrées, qui sont pas dans l'esthétique circassienne, mais qui sont plus dans une recherche très sensible de la danse vraiment contemporaine qui va juste monter vers le haut à travers une corde lisse ou un trapèze ou voilà. Donc je cherche ça. Donc c'est très. Je me rappelle d'avoir envie de trouver des manières d'être dans les airs, mais très lente, très voilà, très très sensible. Bon, c'est pas facile, hein, franchement. C'est tout un art. C'est vraiment tout un art. Et voilà. Et donc je rentre en France et je fais. Je commence à travailler avec des. Je me rappelle très bien avoir commencé à travailler avec par exemple un plasticien. Voilà, tout à coup je rencontre des nouvelles personnes dans mon milieu parisien comme ça où je vais travailler avec un plasticien dans des galeries d'art qui avait envie de travailler avec une danseuse. Voilà, je travaille aussi Mais alors vous faisiez votre performance et lui il vous peignait, c'est ça? Non, lui il faisait de comment on appelle ça? Non, il faisait pas de la peinture, lui. Ah. Il faisait des installations. D'accord. Des installations avec de la matière et tout ça. Et puis moi, en fait, il avait... c'est marrant parce que je revoyais des photos hier, parce que je cherchais une photo en particulier. Et il voulait que je fasse des mouvements avec un fil de fer très, très fin, mais qui tenait quand même droit, qui tenait tout seul. Et donc, on pouvait le plier. Et donc, ça créait des formes dans l'espace qui étaient très belles, enfin, qui étaient assez... assez magique. Et parfois cette tige là elle était posée contre le mur et puis comme on avait la relation entre le mur et le corps à travers cette tige, enfin voilà, après c'est un univers qui s'offrait, ouais, à moi, d'accord, par rapport à cette rencontre. Et après il m'a demandé de faire venir d'autres danseurs et danseuses, donc tout à coup on était 3-4 à faire cette expérience dans des galeries à Grenoble, voilà. Et puis, il y a aussi eu ce moment où on m'a demandé de chorégraphier des clips. Donc, il y a eu ça aussi. Enfin, en fait, j'ai pas eu de mal en rentrant à Paris à reconnecter avec mon milieu, je dirais. Oui, votre entourage. Mon entourage. Et voilà, il y a créé des ponts comme ça entre ce que j'avais rencontré dans mon expérience à l'étranger et ce que j'allais rencontrer à Paris ou en France, hein, je dis Paris, mais en fait aujourd'hui quand on travaille avec des compagnies c'est national, hein, c'est oui, pas c'est ça, les, oui. toutes les compagnies toute la France, sont pas ouais. Et donc voilà, et donc je commence à écrire un peu ma vie en France à nouveau 10 ans plus tard et avec tout le bagage que j'avais. Et voilà, et donc il y a les clips, il y a les rencontres, et puis un jour je fais une audition justement là c'était quelqu'un qui recherchait, c'était un chorégraphe qui recherchait une danseuse parmi d'autres, c'était finalement cette pièce, elle allait être jouée par 14 d'entre nous, donc on était 14 à la fin, donc c'est beaucoup, donc on savait qu'il cherchait 14 personnes, donc c'était énorme, quoi. Ouais. Et parmi ces 14, il y allait avoir une personne dans les airs, quoi. Et donc j'y vais, je suis... Pareil, cette audition, c'était loin, c'était à Creil, c'était hyper loin, mais bon, on était plus d'une centaine pour cette audition. Ah oui. Ouais. Et ça, celle-là, j'en suis sûre, autant celle de New York, j'étais pas sûre, mais c'était sur 4 jours, ça c'est sûr. Mais tous les jours, il y en avait qui partaient, qui étaient éliminés. Et donc finalement, je reste jusqu'au dernier jour, je rencontre plein de gens déjà incroyables. Enfin, les danseurs sont incroyables. C'est des gens tellement ouverts, c'est des gens tellement avec d'une manière assez contradictoire, qui ont autant de force que de fragilité, et ce qui fait toute leur singularité. Je trouve ça magnifique de se retrouver dans une salle où il y a tous ces gens qui ont autant de choses à dire, c'est-à-dire que on nous lance dans ce qu'on appelle des improvisations, donc on va nous donner un thème et puis il faut danser. Ouais. Et là, on s'aperçoit à quel point on est tous et toutes très riches de plein de choses qu'on a vécues et qu'on peut transmettre à travers notre corps. C'est assez beau, c'est assez magique. Et tous différents. Et tous différents, ouais, exactement. Et c'est ça qui est beau dans la danse contemporaine. C'est que tous les corps sont acceptés. Il n'y a pas d'histoire. Oui. Voilà, il n'y a pas d'histoire de corps, il n'y a pas d'histoire d'ossature, de musculature, de souplesse. On s'en fiche, en fait. C'est une personne qui est là devant vous et qui va vous donner une émotion. Oui, voilà, c'est quel ça, que soit son parcours. Chose, ouais. Et donc après ? Ah oui, et donc après et donc après, et ben ça, après voilà, on est. Alors à la fin, en général, pour cette audition, on n'était pas 14 à la fin des jours de la dernière journée. On était peut-être une trentaine. Ah oui. On y va, c'est fini, on part. Et puis bon, on espère pendant. Chaque jour qui suit, on croise tous les doigts parce que je pense qu'on a tous envie d'avoir une proposition, un contrat qui va nous être proposé pour un an. Enfin, c'était un contrat d'un an. Et voilà, et ça a pris du temps, ça a pris vraiment du temps. Et je crois qu'on a eu d'autres rencontres et tout ça. Et puis un jour, il y a le chorégraphe qui m'appelle et qui me dit « Bon, bah allez, on y va, on se lance ». Et puis ça a été aussi marquant dans ma vie, puisque j'ai rencontré des gens incroyables. Les autres qui étaient dans l'équipe étaient incroyables, et c'est grâce à eux que j'ai fondé ma compagnie. Parce que un an plus tard, donc, j'ai eu envie de les rappeler dans le studio avec des choses que j'avais envie de mettre au plateau. Voilà. Et donc, vous avez créé votre compagnie. Ouais. Et vous avez créé des... Ouais. Donc ma compagnie, elle est née avec ces 5 personnes à qui j'ai demandé de venir travailler en studio avec moi, sans argent, sans rien. C'était vraiment ah oui. Presque un truc de pote au début, c'est-à-dire que je veux essayer des choses, est-ce que vous êtes partant ? Et on avait passé une année tellement riche, tellement intense et tout, qu'ils étaient, enfin voilà, tout le monde a répondu présent. Et là, j'ai commencé à chercher des choses, on a commencé à chercher des choses ensemble. Et en fait, j'ai découvert une casquette de chorégraphe. Enfin, de chorégraphe. En tout cas, de quelqu'un qui allait mettre en scène des choses. Puisque j'avais quand même ramené avec moi une esthétique avec l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis qui est très de l'ordre de la danse-théâtre. Donc j'avais envie d'explorer ça, la danse-théâtre. Et voilà, et on s'est beaucoup amusé. Et depuis, c'est le travail d'une compagnie, c'est-à-dire trouver les subventions et faire créer, tout. Et créer. Alors la danse-théâtre, c'est quoi aussi ça ? Bah, la danse-théâtre que moi j'ai apprise avec mes expériences à l'étranger, c'est raconter des histoires déjà. Raconter des histoires, c'est avoir des personnages comme on en aurait dans une pièce de théâtre. Et la danse théâtre, c'est pas forcément le texte qui est mis en avant, mais c'est plutôt ces attitudes, c'est des personnages que l'on déploie sur scène. C'est comment ils vont exister, à travers quelle physicalité. Et voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de raconter comme des. Enfin, quand je travaille une pièce, je démarre d'un synopsis comme un synopsis de film. Oui. Et puis je vais voir après quels sont les personnages à l'intérieur. Et puis après, je vais me demander comment ils bougent, ces personnages. Quelle est la relation qu'ils entretiennent entre eux. Et puis de là découle la danse, quoi. Oui, le spectacle. Oui. Et donc vous chorégraphiez. Oui. Et vous êtes entourée d'une équipe, donc de danseurs, mais aussi de techniciens. C'est ça, la compagnie, vous avez vraiment toute une équipe pour créer un spectacle. Eh bien oui, surtout qu'avant de créer ce spectacle, il y a toute la mise en place de la production. Donc au départ, c'est quelqu'un qui travaille avec moi sur l'administration et la production. Donc on est deux au départ, il y a Fanélie Honegger et moi. Et on réfléchit à comment faire. Où est-ce qu'on va chercher les subventions, où est-ce qu'on va chercher les financements pour pouvoir proposer à une équipe de travailler sur le spectacle. Et effectivement, après, l'équipe, elle est constituée de compositeurs, de dramaturges, de quelqu'un qui vient écrire le texte. Il y a aussi ce qu'on appelle un regard extérieur, c'est quelqu'un qui va venir en complément de mon regard, qui va essayer de me guider aussi sur des choses que je vois pas, que cette personne va voir, avec laquelle je vais discuter. Il y a aussi les costumes. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et puis évidemment, les danseurs et danseuses. Et tout ça fait que oui, on devient pendant un temps, parce qu'il y a moins cet effet de troupe comme il y avait avant. Enfin, les compagnies comme les miennes, finalement, on est amené à travailler très, très peu de temps en studio avant de présenter le travail. Peut-être sur 5 semaines. Mais sur ces 5 semaines-là de travail effectif en studio ou au théâtre, il y a quand même quelque chose d'assez... Il y a un esprit, en tout cas, il y a un esprit de groupe qui se constitue quand ça se passe bien, en tout cas. Et voilà, qui fait qu'il y a des choses qui émergent, et il y a des choses qui... Enfin, c'est assez bluffant, parce que je dois dire que c'est aussi... du travail à la table, comme ça, à discuter, à s'envoyer des pistes, autant que du travail physique. Oui, il y a le travail de création, puis après le travail de... Enfin, de création intellectuelle. Oui, c'est ça. Et ouais, ensuite, ouais. La création physique. Oui, ouais, exactement. Il y a tout un travail de recherche. Et par exemple, je travaille beaucoup avec une scénariste qui écrit les textes dans mes spectacles, ça s'appelle Tunde Deak. Et avec Tunde, on est très complices, on travaille beaucoup ensemble, mais on travaille ensemble en se racontant des choses. Et on peut passer des heures comme ça à se rappeler des souvenirs qu'on a vécus par rapport au sujet de la pièce, par rapport au sujet oui. du spectacle. Ah oui, et puis après, voilà, et puis ça nous fait penser à un livre, à un film, voilà, et puis ça se construit comme ça, et ça s'étoffe, et à la fin, on revient à ce qui est essentiel, et puis on revient à ce qui doit rester, quoi. On va faire une petite pause musicale. Ouais. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'il y a une musique que vous avez envie de partager avec nos auditeurs ? Je veux bien partager Love in Portofino de Fred Buscaglione. On l'écoute. I found my love in Portofino perché nei sogni credo ancora. Strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino, il mare t'ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I found my love in Portofino. Down in the small Italian bay. And everything was so dear. In Portofino, I found my way. sun was shining at my feet. And so my words were just a few. I closed my eyes, and so did she. Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bar, tables and chairs and lazy waiters, a curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino, in Portofino I found my love. I found my love. I found my love. I found my love. Vous êtes dans Exquise Esquisse avec Catherine qui reçoit Johanna Lévy. Qu'est-ce que pour vous une journée idéale ? Je vais essayer de faire vite. Parce qu'une journée idéale, je peux que l'associer à une journée de travail. Je dirais me lever après une bonne nuit de sommeil, ça c'est hyper important. Et puis d'arriver dans un, de passer la porte d'un théâtre ou d'un studio de danse et de retrouver une équipe avec qui je vais partager un instant de petit déjeuner, de café, de thé. Et c'est un moment qui va nous permettre de faire exister le reste de la journée. Et puis se lancer dans le travail et se tromper, recommencer, refaire des choses, discuter. Et je dirais que la meilleure journée, ça serait de terminer cette journée en sachant que la même recommence le lendemain. D'accord. Et alors, si une autre question. Ah. Est-ce que vous avez déjà écrit une lettre d'amour ? Bah, je crois que oui, je crois que toutes mes pièces sont des lettres d'amour. D'accord. Et si vous en écriviez une, que vous écririez-vous ? Alors, je vous dis que toutes mes pièces, je crois que ce sont des lettres d'amour. Mais peut-être que je pourrais conclure avec des grands remerciements, des grands, beaucoup de considération pour les gens qui m'ont soutenue jusque-là, et j'aimerais avoir la capacité de le faire, une lettre d'amour. En dansant. En dansant, ou en tout cas en disant merci et en disant continuons et voilà. Et pour finir, eh bien, vous avez déjà donc créé quelques projets. Et vous, est-ce que vous en avez là actuellement des projets ? Quels sont vos projets en cours ? Ah là là, j'en ai beaucoup. Je travaille sur un gros projet dans un collège cette année où on fait une résidence. Ça s'appelle une résidence mission où j'invite des artistes qui travaillent avec moi à rencontrer des collégiens et puis on fabrique des choses avec eux. Et c'est voilà, donc ça court sur toute l'année. Je vais aussi redanser mon solo Jasmin au festival Waterproof à Rennes. Et d'autres dates qui sont, une fois que je vous quitte, je dois justement caler d'autres dates sûrement à l'étranger, donc je suis très très excitée. Et puis il y a toutes ces nouveaux groupes de, enfin j'ai créé un gros spectacle qui s'appelle Un autre Jasmin qui répond à mon solo, où c'est des groupes, c'est un groupe amateur qui se constitue à plein d'endroits différents. Donc on l'a fait beaucoup cette année et on le refait l'année prochaine. Donc ça vient pendant les festivals Chant Libre à Vernouillet, avec des lycéens à Chartres, au lycée de Chartres. Enfin voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Merci Johanna. Merci à vous.